kakriye mwen kaziman ira anon problem fan rakonto sa mse mette mwen akote izi mwen nou kay diskute kam mse ka esplike mwen mwen chè faman lese mwen anzi mse mwen si se faman ou ki lese yo mwen men ba kriye sa problem paske a di mi se konmen tan ou isi mi se di mwen ni 5 an a di konmen tan ou ete ou zanti e di mwen 20 an a di mi se ou ete 20 an ak a maman ou te ve maman ou pati ou lese maman a ba wè poukwa ou pe pa ki ton fam fam la ki te ou bon se debiten ka arrive paske mwen men Anyon zami an mwen Ye fwo fam an ba men ay Se kwa fe mwen Lò gade se pou gale yo rekupere fam ay yo Sa son fave Etini E Là où on va danser Là où on va rencontrer une femme à dans boîte Arranger où ces portiers là Ces DJ là Et mettre la boîte là parce que C'est placé ou à placer le taille en bas mais Attends donc ou attends C'est comme là qu'à parler, regardez Ah ouais, c'est vous gars, y'a pas même nos petits sentiments, les va pas les barres, y'a qu'on bête, y'a qu'on mette ça. Blip en l'air. A dit, mais si ça pas ouvert la porte là, y'a pas entrer, d'après ça, on va comprendre. Moi, ça fait guérison, l'imbécile, on met 50 codes. Pourquoi quoi peut-être t'as bon Dieu pas ni femme Tanta Timoun na malade et aimé Tantaï, c'était Ida. Elle toujours te kakriye Tantaï, Tantida. Et voye Timoun na colonie vacances. Et entre temps, Tante la comme était gravement malade, il mort. Et là Timoun na viré, yo ka di, vous savez que da mort. Parce que tu m'as déjà crié tant Aïda. Ah, tu m'as tombé crié. Il dit tant Ida mort. Ah, da. J'entends mes da. Ah oui. Ah ben, j'ai joué non bon da comme ça encore. Parce que da t'es avec moi. A été bon avec moi. Avin si zami an mwen la ki di mwen ke fama e ki te ila Men an ka kwa ke ane bouga mwen toto Iba mwen ide, i di mwen Ikay adon boat de nwi la Se ka kenbe men a se fama la pou fè yo desen Paske kom yon jan aje Ay di mwen yi ka ferme zye, yi ka bouche ne, yi ka bwèd lo santi, yi ka balanse l'amou, yi ka plase entere ay. A ka kwe ka se ki ni rezon, nou kwa yi fè exactement kon toto ka fè. Paske yi bougla, yi von zafa limpi.